marcher. C'est pas parler à Péran, c'est pour demain, pour pas à manger. J'ai gens qui gagnent folie marier. C'est pas lever, tomber, marcher. C'est pas parler à Péran, c'est pour demain, pour pas à manger. Voyez petit tomber prier, mais c'est là pour les divorcer. L'enfant de marié, ça va tailler. C'est là, madame, tomber plein. Voyez petit tomber prier, mais c'est là pour les divorcer. Chez vous, capou de m'do, voilà nos petits conseils. Allez, non. Si nous co, nous tout co. Si nous coco, coco, coco. Alors, il suffit que son homme déjà marié ou tout marié. Si nous coco marié, pas bon conseil. C'est ton camarade qui te dit petit. Petit là qui l'a joué pour le gagné. 17 ans. 17 ans. Mais, là pour petit la vie rendre ses services, c'est toujours les soirs. À 8 heures, à 9 heures, à 10 heures, à 11 heures, minuit, 1 heure, 2 heures. 3 heures du mat. Même si jugé nécessaire, pour être après toute bagaille petite là faire pour lui. Sans quoi dire petite là. Chérie, pour tout ça, moi faire pour moi. Ma mari avec vous. Oui, et donc j'ai pas dit mot ça. Oui, et on connaît ces deux bagailles femmes pire même. L'argent et mariage. Depuis l'homme, j'ai fini ça, regardez, on a la vie, autant de monde petit, autant de monde petit. Oui. Tout ça le dit. Oui, chérie. Final. pral fè manje ban mwen. Oui chéri, vini voye ou. Oui chéri, vini alwè maman. Oui chéri, quand ta soye a, map kilou. Oui chéri, tout sa dil. Ah oui chéri, oui, jodi fi fèt wè. Mariage vin ap fèt, lèm tout sa, moun. Automobile mais même c'est pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom bourrette cabrette camion bascule oui oui pendant nos abdés filés on tient le chita derrière la vue était à gauche à droite tout le spaghetti nous capte l'air qui vient la rally réception fait de moment il y a des bouchons champagne madame a galéré le sautil pour galérer à bouler. Alors pas faire voisin nous sur côté à Weli. Alors pour les voisins non. Alors les gars est tout ouet li. Pas voisin voisin là. Oh voisin. Voisin. Voisin où qu'on est. Et puis vous sortez l'autre défaut encore. C'est filé à filé où vous allez où. Les boutons de bloc comment qu'on débite non. Je me comprends pas l'instant. Je petit. Mais pour un film pour tout bagage ça y est. Mais pour camper sous des orteils. Je vais arriver mon côté gars. Je dis vite fait oui. Trois mois pas passé, discussion. Mais si vous avez procès d'éclaté, mais là j'ai vu qui déclate, déclate fort. Oui. Maman fille a mis pas le monsieur. Papa fille a pas le web. Seul pas le web. Fouel pas le web. Même chez nous, quand elle est jamais qu'elle saute. Oui, ils vont l'enlever. Oui. Affaires au clou, même, c'est chaque 5 minutes. La main m'a l'air à souffler. Oui, oui. Souffle devant, souffle sous côté, souffle derrière, souffle les moules là, souffle les moules pas là. Avant de marier, pour le préparer. Faut travailler par des paresseux pour après, tout ça vivre heureux. Monsieur n'apprend ça comme exemple. Avant de marier, pour le préparer. Faut travailler par des paresseux pour après.